Mosaïque. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Bienvenue dans l'émission Mosaïque, une production de la radio Isanganiro en partenariat avec l'association burundaise des femmes journalistes AFJO en sigle et l'ONG Code Aid. Au micro, Pacifique Chubahiro. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté en décembre 2015 la résolution 2250, la première résolution thématique sur la jeunesse, la paix et la sécurité. À travers cette résolution, les membres du Conseil de sécurité exhortent notamment les États à accroître la représentation des jeunes dans les instances de prévention et de règlement de conflits, mais aussi à créer un environnement porteur qui permet aux jeunes de mener des activités de prévention de la violence et de favoriser la cohésion sociale. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous revenons sur le rôle des jeunes dans la recherche de la paix et le maintien de la paix. Quel est l'état des lieux de l'implication des jeunes dans les instances de prévention et de règlement de conflits au Burundi? Est-ce que la résolution 2250 sert de référence aux différents intervenants dans la vie publique? Les jeunes burundais auraient-ils profité de la résolution 2250 depuis son adoption? Autant d'interrogations qui méritent des réponses. Et pour débattre dans cette émission, nous accueillons 4 invités dans notre studio. Nous accueillons Anatali Miburo, directrice générale de la jeunesse et sport. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci. Je dis également bienvenue à Kinezero Mathias, consultant indépendant qui a réalisé une étude par rapport à la résolution 2250. Bienvenue dans cette émission Mosaïque. Merci pour votre aimable invitation et je salue tous les auditeurs. Nous accueillons également Mademoiselle Belinda Ndabaneze qui représente dans cette émission l'Association pour la promotion des filles burundaises, APFB en sigle. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et je vous remercie pour l'invitation. Je salue aussi les amateurs de votre émission. Nous accueillons également Apollinaire Massabalakiza qui représente le réseau des organisations des jeunes en action, REJA. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et je salue tous les jeunes là où ils se trouvent. À l'animation de cette émission Mosaïque Pacifique Chubahiro, Francine Ndiokubgayo assure la réalisation. Albert Ndiwayo est à la technique. À vous tous, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Sans tarder, Monsieur Kinezero Mathias, vous avez réalisé une étude au nom de la DISCO, appui au développement intégral et à la solidarité sur les collines, où vous avez essayé d'épingler la manière dont les jeunes participent dans les instances de prise de décision au Burundi. Quels ont été les grands résultats de l'étude? Merci beaucoup. Et avant de vous parler des principaux résultats de l'étude, permettez-moi d'abord que je vous dise un mot sur cette résolution 2250. Alors, quelles sont les motivations à l'adoption de la résolution 2250? Et ici, je dirais d'abord tout de suite que la résolution 2250 est venue pour mettre à l'honneur les jeunes. Alors, quant aux motivations, le constat est que, et ça c'est pas nouveau, les jeunes représentent une importante composante de la population. Les jeunes comptent parmi ceux qui subissent le plus d'effets des conflits. L'autre constat, c'est que les jeunes présentent beaucoup de potentialités, mais des potentialités méconnues ou mal connues. Autre chose, c'est que ces potentialités ne sont pas valorisées vraiment à un niveau satisfaisant. Alors, ce sont ces différentes motivations que je dirais qui sont à l'origine de l'adoption de la résolution 2250. Alors, je disais, pour peut-être ceux qui entendraient résolution 2250 pour la première fois, que c'est une résolution qui présente beaucoup de similitudes avec la résolution 1325. Pour les femmes. Pour les femmes. Mais cette fois-ci, ce sont les jeunes qui sont à l'honneur. Elle repose sur 5 piliers. Alors, premier pilier, cette résolution exhorte, voilà le terme qu'on utilise, exhorte les États qui y adhèrent à faire en sorte que les jeunes soient vraiment représentés dans les instances de prise de décision et dans les processus de paix et de sécurité. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est faire en sorte que les jeunes, particulièrement, parce que là, c'est tout le monde, les jeunes soient vraiment à l'abri des conflits, soient protégés en période de conflit. Troisième pilier, la résolution exhorte les États à prévenir la violence et assurer la cohésion sociale par des activités ad hoc. Quatrième pilier, adopter des partenariats. Parce qu'on sait que les États seuls peuvent ne pas avoir des moyens pour mettre en œuvre cette résolution. C'est pourquoi, en fait, ils les exhortent à chercher à trouver des partenariats. Et cinquième et dernier pilier, promouvoir le désengagement et la réintégration socio-économique des jeunes ayant participé dans des conflits. Voilà. Alors, la situation, qu'est-ce qu'est la situation au Burundi? Quels sont justement les résultats que vous évoquez? Bon, ici, avant de vous parler de ces résultats, je vous dirai tout de suite que, avant même cette résolution 2250, notre pays avait adhéré à la Charte africaine de la jeunesse. Cette charte africaine de la jeunesse date c'était déjà un atout majeur. Oui. Elle date de 2006. Prélude de la résolution 2250. Voilà. Mm-hmm. Alors, cette charte, qu'est-ce qu'elle prévoit? Cette charte africaine de la jeunesse demande aux États de garantir l'accès des jeunes au Parlement et à tous les autres niveaux de prise de décision. Vous voyez qu'en fait, que finalement, la résolution 2250 s'inscrit dans la logique de cette charte africaine de la jeunesse. Mm-hmm. Mais alors, ici, il y en a qui disent que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, d'une façon générale, le niveau de représentation des jeunes dans les instances de prise de décision reste bas. Ici, je ne ferai que vous donner des exemples, sinon les détails, vous pouvez les trouver dans le rapport, mais je pourrais quand même me permettre de citer quelques chiffres. Mais surtout à l'intention des auditeurs. Voilà. Alors, au niveau de l'Assemblée nationale, et sur ça, 21 membres sont de la catégorie des jeunes. Alors, j'avais oublié peut-être de donner des clarifications au sujet de la définition de la jeunesse. En fait, ça pose toujours problème parce qu'on ne sait pas exactement quelle tranche. Selon la résolution 2250, est jeune toute personne dont l'âge varie entre 18 et 29 ans. Mais en menant cette étude, je me suis référé, aux précisions fournies par cette charte, encore une fois, la charte africaine de la jeunesse et la politique nationale de la jeunesse. Selon ces deux documents-là, et jeune, toute personne dont l'âge varie entre 15 et 35. Vous voyez que c'est un peu... Il y a 6 ans de plus. 6 ans de plus. Mm-hmm. Je crois que cette précision était nécessaire. Alors, je parlais de l'Assemblée nationale et où les jeunes représentent 17% des effectifs, donc 21 membres jeunes sur un effectif total de 121. Alors, ici, il fallait aussi que je vous dise que l'étude a fait une analyse dans une trentaine d'instances de prise de décision, et dont le Sénat, l'Assemblée nationale, les ambassades, les ambassadeurs, les ministres, les assistants des ministres, les secrétaires permanents, des conseils nationaux comme le Conseil national de la sécurité, les présidents des tribunaux, les recteurs, les gouverneurs de province, les conseils principaux, les conseils sociaux des provinces. Donc, une trentaine d'instances et de prise de décision. Ce n'est pas vraiment exhaustif. Mais alors, je continue de donner des exemples. Et là où je donnais des chiffres, c'est là où, quand même, on a vu qu'il y avait des représentations. Mm-hmm. Alors, au niveau des directeurs et communaux de l'enseignement, on a 3 jeunes sur un effectif total de 119, soit 2,5%. Mm-hmm. Au niveau des conseillers communaux, quand même, là, il y a une représentation que je qualifierais de confortable. On a 1400 sur 2001, soit 70%. Ça, c'est très important. Au niveau des chefs de colline, on a 1454 membres sur 2909, à peu près 50%. Mm. Alors, il y a un autre organe, je ne sais pas s'il faut vraiment parler d'instance et de prise de décision, mais considérons comme ça les comités mixtes de sécurité humaine. Là, il y a un texte, une ordonnance ministérielle, je crois, qui a été signée par 2 ministères, l'un ayant l'intérêt dans ses attributions et l'autre la sécurité dans ses attributions, qui prévoit que les jeunes sont représentés à la hauteur de 40%. Sinon, ça s'arrête là. C'est respecté dans la pratique. Bon, l'étude n'a pas pu appréhender cet aspect-là. Mm-hmm. Mais nous nous sommes dit quand même que ça doit être respecté. Mm. En un mot, qu'est-ce que vous avez trouvé de par l'étude que vous avez menée par rapport à... Oui, ce que l'étude a pu démontrer, c'est que les jeunes sont vraiment sous-représentés dans les instances de prise de décision, d'une façon générale. Je reviendrai vers vous au courant de l'émission. Madame Anatali, au niveau de la Direction générale de la jeunesse et de sport, est-ce que pensez-vous que les jeunes aujourd'hui ne sont pas tellement représentés et qu'il faut plus d'efforts pour la mise en œuvre de la résolution 2250? Je parle d'abord... au sein de la direction générale, au sein du ministère, quand je parle du ministère, c'est le ministère qui a la jeunesse est à sa charge, les jeunes sont mieux représentés. Mais comme les jeunes le réclament de façon générale au niveau national, les jeunes disent que même s'ils sont représentés, ils sont représentés à un taux faible, comme l'étude qui a été faite par le consultant indépendant l'a montré. Mais quand même, il y a dans certains secteurs où les jeunes sont mieux représentés. Vous avez vu qu'il y a là où ils sont représentés jusqu'à 90%, plutôt jusqu'à 70%. Il faut saluer d'abord cette initiative. Mmh. Au niveau de la représentation, il y a en termes de chiffres, mais également en termes d'influence. Est-ce que là où les jeunes sont représentés, est-ce qu'ils parviennent à influencer dans la prise de décision? Je crois oui. Là où ils sont représentés, ils participent activement. Même dans les organes, certains organes qui sont mis en place pour une étude quelconque, les jeunes ont leur part, leurs suggestions sont prises en compte. Au niveau du réseau des organisations des jeunes en action, M. Apollinaire, pensez-vous qu'aujourd'hui, les jeunes ont plus de place dans les organes de prise de décision conformément à la résolution 2250? Merci. D'après ce que nous voyons, ce que nous entendons, parce que nous travaillons tous les jours avec les jeunes, je pense que ce n'est pas à un niveau vraiment qu'on dirait que les jeunes sont satisfaits. Nous autres, nous ne sommes pas satisfaits. Et par ailleurs, c'est un niveau très bas. Moi, je vais parler par rapport à la résolution 2250. C'est-à-dire que c'est une résolution qui vient récemment, qui a été adoptée en 2015, je crois. Bientôt, ça sera trois ans, en décembre. Ah ouais. Ce n'était d'ailleurs pas les bons moments pour pouvoir la mettre en application. Je pense que pour le moment, le niveau de mise en œuvre est toujours très bas. D'un autre côté, peut-être dans nos organisations, on a déjà commencé à faire le plaidoyer. Ce n'est que ça. Nous sommes à ce niveau. Vous voyez qu'il y a aussi une étude qui a été menée par le consultant. Je pense que ce sont des pas peut-être qui sont franchis, mais nous interpellons toujours le ministère en charge de la jeunesse ou le gouvernement en général de s'y mettre pour pouvoir mettre en application cette résolution 2250 parce qu'elle est très importante de toutes les résolutions que nous avons connues en faveur des jeunes. Je pense qu'au niveau, au moment de l'adoption de cette charte, c'était une résolution qui a marqué même l'envoyé spécial, l'envoyé du secrétaire général des Nations aux Unis sur la jeunesse, il a dit ceci, c'est une percée majeure dans nos efforts collectifs pour changer la perception majoritairement négative des jeunes et de reconnaître leur rôle dans la consolidation de la paix. Ça, c'est une citation d'Ahmad Al-Endaoui, envoyé du secrétaire général des Nations Unies. Je pense que ça, le Burundi devrait mettre en avant cette résolution parce qu'elle va permettre à la jeunesse burundaise de pouvoir contribuer dans la consolidation de la paix, dans la cohésion sociale, mais aussi dans le Belinda, au niveau de la PFB, comment avez-vous accueilli cette résolution et surtout la manière dont elle est mise en œuvre ici au Burundi? Vous avez entendu les résultats de l'étude faite par Mathias. Quand nous avons entendu cette résolution, ça a été un grand plaisir pour nous les jeunes parce que c'est la première résolution qui traite spécifiquement le rôle des jeunes dans les questions de paix et de sécurité. Aussi, c'est la première résolution qui reconnaît le rôle positif que les jeunes peuvent jouer dans la situation des conflits et post-conflits de nos pays. Aussi, cette résolution, je ne sais pas si au Burundi, on a déjà fait un plan d'action pour cette résolution, mais d'après les études faites par le consultant, on montre très bien que notre Burundi est caractérisé par une population essentiellement jeune, mais qui est très faiblement représentée dans les instances qui prennent les décisions et dans les processus de paix et de consolidation de la sécurité. Une fois que ce qu'on exhorte les États est mis en œuvre, la fille burundaise pourra trouver une place. Bien sûr, on croit que la fille. Oui, et aussi, on espère que la fille aura, je dirais, un rôle pour participer dans les instances qui prennent des décisions. Monsieur Mathias, aujourd'hui, il y a des jeunes toujours qui disent qu'ils ne sont pas représentés. Il y a une résolution qui est là pour essayer d'accroître l'implication des jeunes dans la vie publique. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui manque pour que les jeunes, notamment les jeunes burundais, puissent être impliqués de façon significative malgré les différents textes, notamment la charte qui nous vient de l'Union africaine sur la jeunesse, mais également la résolution 2250 qui nous vient du Conseil de sécurité des Nations Unies. Effectivement, l'étude a pu identifier ce qu'elle a appelé blocage. Blocage de plusieurs niveaux. Ici, l'étude en a relevé autour de 6. Alors, premier blocage, c'est vraiment le contexte socio-économique. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand le pays est confronté à différentes contraintes lui-même, c'est-à-dire que sa marge de manœuvre pour faire en sorte que ces jeunes puissent accéder à ces instances de prise de décision n'est pas grande. Ça, c'est le premier blocage. Deuxième blocage, l'étude évoque certaines pratiques non écrites. Et une des pratiques qu'on citait souvent, c'est ce fait de devoir, j'ai dit bien que ce n'est pas inscrit nulle part, ce fait de devoir appartenir à une formation politique pour prétendre à appartenir à une instance de prise de décision. Ça, on le voit. Et deuxième blocage. Et ça rencontre l'idée des jeunes aujourd'hui qui se désengagent même de la politique et qui ne voudraient même pas appartenir à aucun parti politique. Oui, justement, ce sont justement ces jeunes-là qui, des fois, évoquent ce problème. Mmh. En fait, c'est un constat. Il remarque que c'est pas facile, c'est même presque impossible d'accéder à un poste de prise de décision si vous n'êtes pas propulsé par un parti, une formation politique. Mm-hmm. Donc ça, c'est un blocage qui est là. Et troisième blocage, c'est ce qu'on a appelé, l'étude a appelé faiblesse du mouvement associatif. En fait, le mouvement associatif ne fait pas la politique, mais il pourrait contribuer, aider, appuyer les jeunes qui auraient des aspirations et disons à la pertinence à des instances de prise de décision. Mais alors, quand on sait que le mouvement associatif lui-même a ses faiblesses, même si on analysait le seul aspect de financement, on sait que le mouvement associatif burundais vit des financements extérieurs essentiellement. Et sinon, au niveau même organisationnel, on sait que les capacités ne sont pas vraiment extraordinaires au niveau du mouvement associatif. Ça aussi, c'est un blocage. Et l'autre blocage, il est lié à l'ignorance des droits par les jeunes eux-mêmes. En fait, pour pouvoir revendiquer quelque chose, c'est qu'on soit conscient des droits qui vous permettent effectivement de faire cette revendication. Or, quand nous faisions des consultations sur le terrain, nous nous sommes effectivement rendus compte que la plupart des jeunes ignorent leurs droits. Les droits, bon, il y a plusieurs catégories de droits, mais ici j'évoque les droits en rapport avec justement qui ont un lien avec, ces prises de décision. Et autre blocage, c'est la pauvreté de ces mêmes jeunes, la pauvreté des parents. En fait, quand on a peu de moyens, même les ambitions sont limitées. Mm-hmm. Ça devient un blocage. J'allais parler de la caution de combien de millions qui est demandé à un candidat à la présidence. Vous voyez, même si l'âge n'était pas cité parmi les exigences, même au niveau des moyens qu'il faut avoir pour prétendre à quelque chose, à ce quelque chose de prise de décision, vous voyez que ça devient un problème. L'autre blocage, c'est que l'étude a parlé de crise de confiance dans certaines institutions qui devraient propulser les jeunes. Ça c'est lu dans un rapport qui a été produit par l'IDEC que vous connaissez. Mm-hmm. C'est là où on parlait de ce problème de crise de confiance. Et en fait, le comportement de certains jeunes. Donc, les jeunes eux-mêmes semblent s'auto-bloquer. Ce qui est souvent évoqué, c'est la faiblesse au niveau de la solidarité. Il y a une opinion selon laquelle les jeunes ne seraient pas solidaires entre eux. Donc ça aussi, c'est un blocage. Donc c'est ça, en fait, essentiellement qui a été évoqué. Sinon, s'il fallait aussi parler, disons, au côté des pouvoirs publics, il y a aussi, ce qu'on recherche dans le sens de volonté politique. Mm-hmm. En fait, je disais que la charte africaine de la jeunesse demande aux États faire en sorte que les jeunes soient représentés au niveau de l'Assemblée nationale. Vous voyez que ça date de 2006. La résolution a été adoptée en 2015. Donc déjà en 2006, on exhortait, donc la charte africaine de la jeunesse exhortait les États à promouvoir plus de représentation des jeunes dans les instances de prise de décision au niveau de l'Assemblée nationale. Là, la question qu'on voulait se poser, alors les États partis dans le Burundi ou les États qui ont adhéré à la charte africaine de la jeunesse, qu'est-ce qu'ils auraient fait pour faire en sorte que, justement, cette représentation des jeunes au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des instances de protection, soit revu à la hausse, si je puis m'exprimer ainsi. Mm-hmm. C'est ça que j'ai appelé, en fait, volonté. Mm-hmm. Je me retourne du côté des jeunes qui ont représenté leurs associations. Belinda, on parle beaucoup de blocages qui font que les jeunes ne soient pas vraiment représentés au niveau des instances de prise de décision. Mais avec la résolution 2250, on voit réellement, on croit à l'énergie, à l'optimisme des jeunes, de façon que les impliquer dans plusieurs organes de prise de décision, c'est porteur d'un bon avenir pour chaque pays. Et est-ce que pensez-vous que les blocages mentionnés sont en contradiction avec l'espoir que porte la jeunesse à travers la résolution 2250? Cette étude faite par le consultant, il a dit que, par exemple, pour le code électoral, on impose des conditions d'âge de 35 ans. Mais dans la résolution 2250, on a bien défini l'âge de ces jeunes. C'est entre 18 à 29 ans. Donc ça, je dis que c'est un avantage pour nous les jeunes. Il y a aussi un quotient de 15 millions. Pour prétendre à certaines candidatures comme la présidence de la République et le poste de sénateur. Où est-ce qu'un jeune peut trouver cette somme? C'est un blocage. C'est un blocage aussi. Mm-hmm. Où est-ce qu'un jeune peut trouver cette somme? Mais avec la résolution 2250, par ces quatre piliers, on a espoir que ça va changer. Au niveau de Réja Apollinaire, on croit à la jeunesse à travers la résolution 2250, mais au Burundi, on voit plusieurs blocages. Est-ce que pensez-vous que le Burundi n'est pas en phase avec la résolution 2250? Bon, la résolution 2250 est là. Mmh. Elle est déjà adoptée et par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui reste, c'est qu'il y ait une mise en œuvre, qui inclut les jeunes aussi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est un long chemin, c'est un long parcours qu'on doit parcourir, mais l'acteur principal, c'est le gouvernement. Si le gouvernement y met toutes les forces qu'il faut et qu'il soutient tous les acteurs chargés de la mise en œuvre de cette résolution, pensons que nous allons faire un pas peut-être d'ici quelques années. Sinon, à notre niveau, nous avons déjà commencé la plaidoyer auprès des décideurs, vulgarisation très nécessaire pour que les jeunes eux-mêmes ou les décideurs s'approprient de cette résolution 2250, ça c'est le premier pas parce que tu ne vas pas mettre en application une résolution que tu ne comprends pas. Parmi les blocages, le consultant a évoqué un problème d'organisation au niveau des organisations des jeunes. Est-ce que pensez-vous que les jeunes tels qu'ils s'organisent aujourd'hui dans leur communauté associative, c'est aussi un problème quand il faut aspirer à l'ascension vers les organes de prise de décision? Oui, il y a un blocage très très pertinent, ce qui est de la radicalisation des jeunes. Les jeunes ne sont pas solidaires à leur niveau, au niveau communautaire. Ils ont un niveau très bas de solidarité, c'est-à-dire qu'il y a radicalisation entre les jeunes des partis politiques. Tout à l'heure, il parlait de la crise de confiance. Enfin, les jeunes en général, il faut qu'ils soient stables, il faut qu'ils soient solidaires, il faut qu'ils soient conscient de leur l'importance de participer, parce que la participation vient parmi les cinq piliers. La participation, moi j'estime que c'est l'une des principes de la bonne gouvernance. Il faut que d'abord les jeunes participent dans la prise de décision, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Donc Ce stade n'est pas encore bien franchi. Mais il y a la directrice générale qui dit qu'ils sont satisfaits quant à la représentation des jeunes et surtout dans les instances de prise de décision. Oh là là, je pense que vous avez lu ce rapport, ce livret. Dans ce livret que le consultant a produit. Parce que si vous voyez les chiffres ici, dans les instances respectives, il y en a beaucoup où on trouve 0%. Il y en a beaucoup. Là, je citerai ici, par exemple, les conseillers principaux des gouverneurs de province, il y a 0, si vous permettez. Il y a conseillers sociaux et culturels, je trouve ici 0. Conseillers économiques et des gouverneurs province, 0. Il y en a beaucoup ici. Il y a les directeurs. Donc, les moins de 35, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mm-hmm. Il y en a beaucoup ici, les 0. Directeurs provinciaux de l'enseignement, ici, c'est 0. Il y a administrateurs communaux, je pense que c'est 0 aussi. Est-ce que vous voyez que les jeunes vont dire qu'ils sont mieux représentés dans les instances de prise de décision, que ce soit au niveau national ou jusqu'au niveau collinaire. Non, au niveau collinaire, ça va mieux, mais au niveau communal, ils ne sont pas satisfaits. Parce que nous, nous sommes toujours avec les jeunes, ils le disent à haute voix pour le moment. C'est et l'étude en... révèle ça. Et l'étude a déjà révélé ça. Parce que nous avons toujours un long parcours à faire pour pouvoir quand même mettre en application, mettre en œuvre cette résolution 2250. Ça nous permettra quand même, et ça permettra aux jeunes d'avoir un rôle important dans le processus de paix et les processus de consolidation de la paix au Burundi, mais aussi le développement. Mosaïque. Madame Anne-Nathalie Miburo, au niveau du ministère, est-ce que vous ne pensez pas que les jeunes peuvent prétendre beaucoup de choses à la fois et en si peu de temps que le gouvernement burundais n'est pas pour le moment prêt à honorer toutes les doléances de la jeunesse? Merci. La résolution 2250 est déjà là. Nous l'exercons au niveau de notre pays. Sa mise en place au sein de notre pays, je dirais que c'est un processus. Ça ne peut pas se faire en une seule journée. J'ai déjà dit qu'on a commencé à intégrer les jeunes dans les organes de prise de décision et ça va continuer au fur du temps. Peut-être il arrivera un moment où les jeunes seront totalement satisfaits. Ça, c'est un aspect, mais pour d'autres aspects, pour d'autres piliers de la résolution, quelles sont les avancées qui sont déjà faites en termes du respect de la résolution 2250? Les jeunes aussi le savent. Comme nous savons que les jeunes constituent la grande partie de la population, les politiques du pays plaident toujours en faveur de cette jeunesse qui constitue, je dirais, comme une puissance de notre pays, puisque ce sont les jeunes. Une fois que ces jeunes plutôt se sont mis ensemble, ils peuvent conduire bien le pays. Au niveau du gouvernement, je crois, des activités ont été menées en faveur des jeunes, comme par exemple leur intégration au sein des communautés après les périodes qui n'était pas bonne que nous avons traversé. Les périodes de crise et de guerre. Voilà. Mmh. Après les périodes de crise, on a déjà commencé à intégrer les jeunes au sein de la communauté. Ça, c'est un bienfait au niveau du gouvernement. Mmh. Et aussi, le gouvernement soutient les activités des jeunes en faveur de la consolidation de la paix et aussi à leur auto-développement. Monsieur Mathias, êtes-vous satisfait par le point de vue de la directrice générale de la jeunesse qui dit que c'est un processus intégrer les jeunes dans les instances de prise de décision, mais également qu'en attendant, ils ont déjà fait plusieurs activités en faveur des jeunes pour répondre à d'autres piliers contenus ou véhiculés par la résolution 2250? En fait, je crois que, comme elle le dit, c'est un processus. Et il faudrait même rappeler que cette résolution est relativement récente. Elle date de 2015. Il y en a même qui ne la connaissent même pas. C'est Apollinaire qui a évoqué que la résolution a été adoptée dans un contexte de crise au Burundi. Oui. Alors, en fait, là où je voudrais, disons, rejoindre Madame la directrice générale, c'est qu'il y a quand même des actions qui ont été menées. Il y a des actions qui sont antérieure à la résolution 2250, mais que si on les analyse bien, s'inscrivent dans la logique de la résolution 2250. Mmh. Ici, vous permettez que je cite quelques exemples pour vous montrer quand même que des choses ont été réalisées. Bon, ici, je ne reviens pas sur la représentation au niveau des instances de prise de décision, on en a déjà parlé. Et je voudrais aller directement sur la protection, par exemple, la protection des jeunes. Alors, si on analyse, par exemple, un texte comme la nouvelle loi sur les violences sexuelle est basée sur le genre, c'est un texte qui est de nature et disons à garantir une protection des jeunes. Bon, disons de toutes les catégories, mais les jeunes étant compris. Bon, dans le temps, vous êtes au courant d'un programme qui a été adopté par le gouvernement. C'était un programme qui consistait à collecter et détruire les armes légères et de petit calibre. Mm-hmm. Ça, ça protège. C'est un programme du gouvernement. Ça, c'est aussi intérieur. Qui rentre dans d'autres c'est piliers. Alors, au niveau de la prévention. Alors, les jeux, voilà. Dans les essais d'opinion. C'est ça. Mm-hmm. Alors, au niveau de la prévention, la résolution exhorte les États partis à, disons, à prévoir des activités, des actions de nature à prévenir des conflits. Donc, qui permettrait aux jeunes de s'abstenir, de prendre part aux conflits. Alors, ici, je pourrais, par exemple, vous parler de la politique nationale de la jeunesse. Ça, c'est un texte qui s'inscrit dans la logique de la prévention. Mm-hmm. La politique nationale de l'emploi. Elle concerne tout le monde, mais les jeunes compris. Je parlais aussi de la stratégie nationale d'inclusion financière. Alors, cette stratégie prévoit même que les jeunes puissent, disons, bénéficier des services financiers, des produits financiers. Ici, je parle de l'accès au crédit. L'accès au crédit, mais des crédits. Donc, ce qu'on appelle des services financiers, des produits financiers adaptés aux jeunes. Mm-hmm. Ça, c'est aussi c'est très important. Et au niveau des engagements et réintégration, ici, je parlerai de la stratégie nationale de réintégration socio-économique des personnes affectées par le conflit. Mm-hmm. On sait que les jeunes ont été fortement affectés par le conflit. Notamment donc, les jeunes démobilisés. C'est ça. Mm-hmm. Alors, au niveau du partenariat, alors, si vous lisez le rapport, on voit vraiment toutes des catégories de partenaires qui ont appuyé l'action du gouvernement dans des actions liées directement à la résolution des 50 ou indirectement liées. Et il y a des partenaires du système des Nations Unies comme l'UNESCO, le FIDA, parce que le FIDA organise même des stages pour les jeunes, mm-hmm. pour qu'ils acquièrent une expérience. Vous voyez, FIDA, c'est un partenaire du système des Nations Unies. Mmh. Il y a aussi des partenaires bilatéraux comme les Pays-Bas qui jouent un rôle important dans l'appui aux jeunes. Mmh. Et, bon, ici, je ne parle pas des ONG internationales et des ONG locales, parce que les ONG locales aussi, ou les ASBR aussi, jouent un rôle. Et sinon, je crois que... Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des activités un peu éparses qui font que c'est difficile d'évaluer la mise en œuvre de la résolution 2250? Bon, je ne sais pas, peut-être que Madame la directrice va en dire quelque chose. Sinon, est-ce que vraiment on est déjà à l'heure de l'évaluation de la résolution qui n'est pas encore vulgarisée, qui n'est pas connue? Qui n'est même pas connue. Mmh. Je pense que l'heure viendra où on va évaluer. Sinon, maintenant, il s'agirait de faire en sorte que toutes les parties prenantes puissent... Oui. Alors, la résolution est là. On a parlé, lors de la validation de cette étude, on a parlé de plan d'action au niveau du ministère et à la jeunesse dans cette attribution. Il faudrait que peut-être le gouvernement puisse élaborer un plan d'action de mise en œuvre de la résolution 2250. Alors là, on va établir différentes responsabilités. Que font les institutions gouvernementales, que vont faire les partenaires techniques et financiers, que vont faire les ASPR, etc. Et là, ce sera, je me dis, facile de pouvoir faire l'évaluation au moment venu. Je me retourne du côté de Belinda. Belinda, au niveau du mouvement associatif, au niveau de APFB, vous êtes maintenant parmi les jeunes qui savent le contenu de la résolution 2250. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement pour... la vulgarisation, comme ça se pose comme un problème pour le moment. Pour la vulgarisation de cette résolution, l'APF prévoit des sensibilisations de nos jeunes, nos membres d'abord, sur leur rôle dans le processus de consolidation de la paix et de la sécurité. Et pas après, ils vont former les autres, ils vont sensibiliser les autres sur cette résolution. Et comme ça, comment dire, on aura fait la promotion de cette résolution. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore organisé des activités qui vont dans au sens où vous êtes en phase de planification? Je dirais que nous sommes dans la phase de planification. Au niveau de Réja, est-ce que maintenant Réja travaille sur la résolution 2250 ou c'est des activités qui sont en train d'être planifiées? Merci. Au niveau du Réja, je crois qu'on a déjà commencé. Et d'ailleurs, dernièrement, il y a eu des ateliers de sensibilisation de plaidoyer sur la résolution 2250 auprès des décideurs. Je pense que les ministères étaient représentés. Et je pense que alors, on a déjà commencé. C'est juste un pas. Pour le moment, on est en train je pense que des séances de vulgarisation ont déjà commencé à l'endroit des jeunes leaders, disons les jeunes leaders des organisations, de la société civile. Je pense que les jeunes aussi, leaders des partis politiques, auront le temps de s'en approprier. Je pense que des actions, elles sont assez nombreuses. C'est juste, je dirais, le début. Mais quand même, on ne pourra pas arriver nulle part si on n'est pas soutenu par les instances de prise de décision, comme on le dit, si on n'est pas soutenu par les décideurs. nous avons déjà engagé nos forces, mais qui demandent beaucoup, beaucoup de soutien, que ce soit au niveau financier ou au niveau administratif, ainsi de suite. Au niveau du ministère, est-ce que aujourd'hui vous vous organisez à ce que vous puissiez inclure les jeunes dans différentes activités organisées par le gouvernement, toujours pour répondre à l'exhortation de la résolution 2250? J'avais déjà dit que les jeunes sont consultés lorsque on est en train d'élaborer un texte quelconque. Par exemple, je dirais que lors de la conception, je crois, de la constitution de la République du Burundi qui a été votée récemment, on a consulté les jeunes dans l'élaboration de ce texte. Il y a des jeunes qui avaient participé à ça. Il y a aussi un organe qui a été mis sur place, par exemple le Conseil national de la jeunesse. Je demanderai à ce que les jeunes, avant de tout dire, qu'il faut d'abord qu'ils consultent leurs représentants au sein de cet organe, puisque cet organe collabore étroitement avec le ministère. Donc, nous reconnaissons au sein du gouvernement les jeunes comme une force pour notre pays, raison pour laquelle soutenons énormément les activités qui vont à l'endroit des jeunes. Pour l'avenir, à quoi vous vous engagez au niveau du gouvernement, au niveau du ministère, pour rendre effective la mise en œuvre de la résolution 2250? D'abord, il y a quelque chose que je demanderai à nos chers jeunes. Nos chers jeunes, nous les demandons de montrer ce qu'ils sont capables de faire. D'abord, qu'ils commencent à se désolidariser de tout ce qui peut bloquer leur plein épanouissement. Ensuite, le ministère s'engage à soutenir toutes les activités que les jeunes vont organiser et aussi le ministère va porter de loin la voix de jeunes. Au niveau de la PFB, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement et surtout ce à quoi vous vous engagez pour rendre la mise en œuvre de la résolution 2250 plus effective au Burundi? Pour le gouvernement, nous demandons de renforcer la capacité de nos jeunes sur les textes nationaux et internationaux en matière de leurs droits et obligations. Aussi, nous leur demandons de faire participer les jeunes dans la gestion des affaires du pays. Et pour notre association, comme nous le faisons toujours, nous allons sensibiliser nos jeunes sur leur rôle dans les processus de consolidation de la paix et de la sécurité. Au niveau de Réja, qu'est-ce que vous vous engagez pour rendre la mise en œuvre de la résolution 2250 plus effective au Burundi? Nous nous sommes déjà engagés depuis longtemps d'ailleurs parce qu'il y a des éléments... Ce que vous comptez pour ça, peut-être. Il y a des éléments qui composent la résolution 2250 qu'on a déjà exécuté en matière de sensibilisation, en matière de plaidoyer. Notamment, on a déjà fait une étude sur les priorités des jeunes et elle a été validée auprès des décideurs. Donc, ce qui est important, c'est la mise en œuvre par les instances de prise de décision. Et donc, en ce qui nous concerne, ce qui concerne le Réja, je pense qu'il a déjà entamé le processus de faire un plaidoyer auprès des décideurs et faire connaître la résolution 2250, surtout chez les jeunes, mais aussi chez la population en général. Je pense que petit à petit, on pourra arriver à nos objectifs ou à nos soucis, parce que la jeunesse, il faut que les décideurs reconnaissent que le rôle important que les jeunes doivent jouer dans notre pays se trouve dans cette résolution 2250. Donc, ça va contribuer dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Ça va contribuer aussi dans le développement parce que la jeunesse, c'est l'énergie, comme l'a dit Madame Hélène Clark, administrateur du PNUD, qu'avec les jeunes, ça c'est aussi l'espoir. L'énergie, c'est l'innovation, c'est l'optimisme. C'est-à-dire, mais tout cela doit se réaliser quand il y a un environnement favorable, un environnement politique ou un environnement favorable et des opportunités aussi, parce que les jeunes doivent avoir des opportunités pour pouvoir participer dans ce processus. La participation reste toujours, je pense, problématique, même si la directrice générale a dit que les jeunes participent. La participation, c'est toujours à un niveau un peu faible parce que quand il y a lieu de prendre des décisions, le niveau de consultation, de consulter les jeunes n'est pas encore satisfaisant parce que, je vous donne un exemple, disons qu'on va tracer une route dans une commune quelque part, on doit consulter, disons, toutes les couches de la commune pour établir les priorités, pour entendre leurs priorités. Mmh. Parce que la population peut avoir besoin d'une santé de santé, parce que peut-être la malaria est devenue, tue beaucoup de gens dans cette commune. Donc il faut toujours faire participer les jeunes parce qu'ils sont majoritaires. Les problèmes qui existent dans la communauté, ça rentre toujours les jeunes. Et ce sont les jeunes qui sont victimes. Donc il faut qu'ils soient consultés à tous les niveaux, à tous les niveaux de prise de décision pour pouvoir arriver à des objectifs qui se sont fixés. Mmh. Merci. Monsieur Mathias. Vous avez fait une étude sur la participation des jeunes au niveau des instances de prise de décision. Aujourd'hui, on a senti qu'il y a encore un chemin qui est long et qui reste à faire. Mais pour y arriver, pour inclure les jeunes dans tous ces organes de décision, mais également se conformer à la résolution 2250, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'avenir ici au Burundi? Bon, en fait, comme je le disais tout à l'heure, bien avant la résolution 2250, le gouvernement a pris des engagements. Ici, je reviens et insiste sur cette charte africaine de la jeunesse qui demande aux États parties d'inclure, donc d'adopter plus d'inclusivité des jeunes à l'Assemblée nationale, aux instances de prise de décision. Donc tout à l'heure, je parlais de renforcer cette volonté politique. Ça, c'est vraiment de façon générale et ça concerne les instances de prise de décision. Sinon, et dans l'étude, dans le rapport, il y a beaucoup de recommandations aux différentes parties prenantes. Mais ici, je voudrais peut-être, pour être plus ou moins concret, rappeler ce que les organisations de la société civile et leurs partenaires demandent au gouvernement, donc ce qu'ils estiment est plus urgent actuellement et pilier par pilier. Alors, au niveau de la participation, les organisations de la société civile et leurs partenaires demandent au gouvernement, au pouvoir public, de faire comme il a fait pour la raison 13-25. Donc, prévoir des quotas pour les jeunes dans les instances de prise de décision. Vous savez que dans la raison 13-25, on dit 30% pour les femmes, etc. Mmh. Alors, on dit pourquoi pas pour les jeunes quelque chose de semblable. Mmh. Ça, c'est la participation. Alors, au niveau de la protection, et encore une fois, il y a des références. On a dit que le gouvernement a adopté une stratégie nationale de résilience face aux effets néfastes des changements climatiques. Alors, pourquoi au niveau des jeunes, on n'élaborerait pas une stratégie nationale de résilience des jeunes en période de conflit et post-conflit? Donc, à l'image des changements climatiques, mm-hmm. des effets néfastes des changements climatiques. Ça, c'est la protection. Alors, au niveau de la prévention, là, ces organisations se sont référées à la politique nationale de l'emploi, à la page 14. Et dans cette politique, on prévoit de créer un fonds national de formation professionnelle qui serait alimenté par les subventions de l'État, les contributions des employeurs et des travailleurs, ainsi que ces bailleurs de fonds. Donc, vous voyez que ça, c'est pas nouveau. Ce n'est qu'un rappel au gouvernement. Donc, c'est déjà mentionné dans la politique nationale de l'emploi, à la page 14. Donc, les organisations ne font que rappeler ça au gouvernement. Au niveau du partenariat, là, ils ont pensé, ces organisations-là, de mettre en place un cadre formel tripartite, gouvernement, secteur privé et PTF, de création d'emplois des jeunes. Un cadre formel qui aurait la vocation, la mission de créer l'emploi pour les jeunes. C'est très important au niveau du partenariat. Alors, au niveau du désengagement et de la réintégration, là aussi, il y a une référence, politique nationale de l'emploi, page 27. Là, il est prévu d'élaborer une stratégie de renforcement du mouvement associatif des jeunes autour des activités génératrices de revenus bâties sur les bases des opportunités locales. Donc ça, c'est ce que ces organisations de la société civile et les partenaires ont trouvé urgent et disons pour vraiment s'inscrire dans cette résolution 2250. Sinon, j'ai dit qu'il y a beaucoup de recommandations qui ont été formulées Merci pour toutes vos contributions. C'est la fin de l'émission au Mosaïque. Nous débattions autour de la mise en œuvre de la résolution 2250 qui milite pour l'inclusion des jeunes dans la recherche de la paix et la sécurité. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous étions avec quatre invités. Je remercie Anatalie Miburo, directrice générale de la jeunesse et sport. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Je remercie également Kinezero Mathias, consultant indépendant, qui a réalisé une étude sur l'inclusivité des jeunes dans la gestion des affaires du pays. Merci pour avoir répondu à notre invitation dans Mosaïque d'aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie et c'était un plaisir d'échanger autour de cette résolution 2250. Je dis également merci à Belinda Ndabaneze qui a représenté l'association pour la promotion des filles burundaises. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie aussi, c'était un très grand plaisir. Je remercie Apollinaire Massabarakiza qui représentait dans l'émission le réseau des organisations des jeunes en action REJA. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Merci beaucoup à la radio Isanganiro. Merci au consultant qui a fait l'étude. Merci aussi à la directrice générale de la jeunesse qui va nous aider à faire le plaidoyer auprès des décideurs pour que cette organisation soit mise en œuvre dans les meilleurs délais. Merci. Merci. Nous remercions également nos auditeurs et rappelons que cette émission a été produite en partenariat avec l'Association des femmes journalistes AFJO et l'ONG Cordaid. Pacifique Chubairo était au micro. Francine Ndokubgayo assurait la réalisation. Albert Ndouayo était à la technique. Bonne suite des émissions de la radio Isanganiro. Mosaïque.